Bonsoir et bienvenue au Cirque Aquatique Magique. En votre compagnie, François Gécouillard. Ah, les élections américaines, est-ce que vous avez suivi ça? Êtes-vous Obama-mophile ou Romney-nophile? Commençons avec justement quelques pièces à ce sujet. On commence avec la pièce « À voter ». Entendez-vous la douleur? Entendez-vous la douleur de ceux qui rêvent au bonheur? Entendez-vous la douleur? Entendez-vous la douleur? Entendez-vous la douleur de ceux qui rêvent au bonheur? Entendez-vous la douleur? Entendez-vous la douleur? Entendez-vous la douleur de ceux qui rêvent au bonheur? Entendez-vous la douleur? Merci pour eux. Je voudrais exprimer mon nom sur Joseph Bonnier à 9 militants. J'en ai vu un petit peu. La démocratie, là, c'est pas de rester assis sur sa chaise ou pas aller voter. On peut critiquer, on peut contester, mais à un moment donné, il faut se mettre debout. Faites un choix, t'as au moins aller voter. Je regarde ce qui s'est passé, il y a des gens qui respectent leur choix. Il y avait les belles pancartes. Pancarte un jour, pancarte toujours. Une critique, c'est un constat. Je n'ai pas peur de donner mon nom, je peux le dire, j'étais un homme libre. Allez voter, impliquez-vous que le monde fasse de quoi. Le problème, c'est pas vous autres. Le problème, il est là. C'est ça la solution. Qui ne dit mot qu'on sent. « Vous savez, on dit souvent, ils contrôlent les médias, ils contrôlent la télévision, la radio. Et vous savez, la Boétie avait dit, ils sont grands parce que nous sommes à genoux. Il va falloir qu'on arrête d'être à genoux devant eux, puis il va falloir qu'on se tienne debout. Fighting Republicans in 2004 than fighting to keep Ralph Nader off the ballot in almost half the states in the country, or for that matter, whether they'd put that effort into fighting vote fraud, which you'll notice isn't on Hillary's little list either. Doesn't matter to her. But to me, it matters a lot. I mean, I never thought in this day and age that we who keep claiming we're promoting democracy in other parts of the world, one of the main battles ahead for us is fighting to reclaim our right to vote from digital machines with no paper trail that can be monkeyed with by pretty much anybody. The main weapon of Ku Klux Bush is electronic voting. One click of a mouse and we've kissed democracy goodbye. Basically, what it means is that Bush not only stole the 2000 election, but the most concrete information I've seen yet that he stole two elections was in Rolling Stone, of all places, in the middle of June, in an article by Robert Kennedy Jr., of all people, that it wasn't just Ohio that was stolen, but Nevada, 10,000 people in districts known to lean kind of liberal, mysteriously didn't vote for anybody for president. And in New Mexico, 20,000 people mysteriously didn't vote for anybody for president. Gee, I wonder why. Florida estimated another 50,000 people either had their vote stolen or they weren't even allowed to vote in the first place when they were qualified to do so. The U.S. Civil Rights Commission even suggested indicting Jeb Bush for monkeying with elections when, you know, he mysteriously beat Janarino. But they can only recommend. It's the Attorney General who has to prosecute. And of course, the Attorney General is Alberto Gonzalez, the one who said it's okay to torture people and human rights treaties are quaint things and mentally incapacitated people and developmentally disabled, oh, we can execute them too. He just loves killing people, I guess. But he doesn't like pornography. Of course, a lot of Democrats voted to confirm him as well. And then in Ohio, according to Kennedy's article, as many as 350,000 people were denied either their right to vote or have their vote counted. One thing he barely touched on, though, okay, we knew this was going to happen in advance. The Republicans even bragged about it. They were going to try and block black people from voting and challenge their addresses. Where was John Kerry? He would have made a great actor for those low-budget vampire movies, now that we don't have Christopher Lee and Peter Cushing to do them anymore. At least if he'd gotten in, yes, they would play the Munsters theme instead of Hail to the Chief whenever the president entered the room. But when Bush came to shove, Count Kerry, the toothless vampire, couldn't even climb out of his coffin at night to challenge what was going on in Ohio. If he'd shown up the next day, it would have meant that he was standing with all the people who got screwed for all the other offices instead, but he didn't bother at all. One of the main culprits in this is a corporation that makes a lot of those machines called Diebold. No other country outside the United States will buy their machines. I think we're the only big-time so-called industrialized democracy that allows private corporations to tabulate and count our votes. The only one. And the head of Diebold, Wally O'Dell, said, yeah, I will deliver Ohio for George Bush. And boy, did he ever. Greg Palast, in his book, The Best Democracy Money Can Buy, he goes after Diebold and Choice Point and some of the others and pointed out one of the electronic machines in a liberalish district in Florida came back with negative 16,000 votes for Al Gore. How did that happen? For that matter, where was Al Gore when that did happen? Was he that allergic to being photographed with civil rights leaders who weren't white? I don't get it. Et c'est eux qui vont voter contre les familles québécoises. Télé dehors, que se vayan todos. Alors, c'était Votez Coluche, une pièce qui avait été écrite à l'époque pour la présidentielle en France, lorsque l'humoriste Coluche s'était présenté. Et il avait fait un score tellement impressionnant que il savait secret français s'était mis sur son dos. Et finalement, il s'est retiré suite à la pression énorme qu'il avait. Donc, ces trois pièces étaient dédiées aux élections américaines qui viennent d'avoir lieu. On a entendu, donc, Votez Coluche. On a entendu un mix d'orgue de Serge Fontaine. Serge Fontane. Bon, c'est un Québécois, mais probablement qu'il a changé son nom pour avoir un petit air italiano. Et on a mixé ça avec Jello Biafra qui faisait un speech sur les votes électroniques. Votes disappeared like magic.

la saison des âgés. Alors, on vient d'entendre Assemblée de cuisine du groupe Arsenic 33, groupe montréalais qui n'existe plus, qui mélangeait le métal, le jazz, l'expérimental, et il se déguisait toujours sur scène dans des genres d'habits moulants et colorés. Donc la pièce s'appelait Assemblée de cuisine. On a entendu avant ça Saint-Fortuna de mon oncle Serge. Chanson éminemment vulgaire, comme on l'aime. On pourrait dire chanson paillarde. En hommage de Saint-Fortuna, je crois que c'est parce qu'il y avait à l'époque un festival de musique métal dans ce petit village. Alors si on va sur saintfortuna.com, on tombe sur le formidable site internet de Saint-Fortuna. Et c'est indiqué Saint-Fortuna, tout près des étoiles. Vous aimez les montagnes, toucher la lune, grandir d'imagination, voir des paysages nouveaux à chacun de vos pas, eh bien, vous êtes au bon endroit. Ici, la terre chante, les érables dansent, il pleut, il neige, il fait soleil. Donc, voilà le site de Saint-Fortuna. Et on a également entendu la chanson Le Meeting du Métropolitain, donc chantée par Marc Augeret de l'album Chanson contre. L'album, l'auteur de cette chanson-là, le métingue du Métropolitain, est Maurice McNab, qui est un auteur, un chansonnier français du 19e siècle. Et Maurice avait de l'aristocratie dans sa famille. Son arrière-grand-père était garde du corps de Louis XV. Il a réussi à échapper à la guillotine après la Révolution. Et il s'est engagé, il est devenu fonctionnaire sous l'Empire. Donc l'Empire, le premier Empire, sous Napoléon dans le fond. Son grand-père, il était sous-préfet de Sancerre. Son père était maire de Vierzon Village. Et Maurice McNab lui-même était employé des postes. Donc, un méchant drop. Et il était bègue. Donc, il bégayait, sauf évidemment quand il faisait ses chansons. Et il s'est produit au fameux café Montmartre, le Chat Noir. Et il chantait des chansons réclames, dont le grand meeting du Métropolitain. Et avec cette chanson-là, il a connu la célébrité, puis curieusement, parce que c'est une chanson qui se moque des militants. Et ça, c'est, je ne sais pas si vous avez écouté les paroles, mais ça parle d'un gars chaud qui va dans un meeting. Et ça a eu beaucoup de succès chez les militants révolutionnaires, à ce qu'on dit. Alors, Maurice McNab. Est-ce que vous appréciez la chanson Crush? Alors, j'ai intitulé les trois prochaines pièces Fracasso, Échec. On commence avec L'hymne à l'amour de Monique Leroux-Bré. Encore à votre compagnie, François G. Couillard. Le ciel bleu sur nous peut s'écrouler et la terre peut bien s'effondrer. Peu m'importe si tu m'aimes, je me moque du monde entier tant que l'amour inondera. Frémira sous tes mains. Peu m'importe les grands problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. irai jusqu'au bout du monde. Je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. J'irai loin de ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin. Ben, je veux bien, mais je suis obligée d'y mettre les deux mains. Oh, caresse-moi les bourses. Oh, vous appelez ça comme ça? On voit que vous avez des sous, parce qu'elles sont bien pleines. Oh oui, pour des bourses, des sacrées bourses. Buddy, ready? Check. Yes, sir. This is Gloomy Sunday by Billie Holiday. I would like to dedicate this song to Jake and Tina Duran and their daughter Maria. êtes à l'écoute du Cirque Aquatique Magique. Pièce du groupe Stonehenge. Fort en aspirant. Là, tu... Oh, vois comme c'est facile. Comme ça, mon riton. Oh, bien. Oui, ouvre bien la bouche au grand. Ouf. Mais non, aspire. Oh, c'est bon, je vais partir. Oh, vas-y, tout haut. C'était Marguerite Bourgeois, la chanson chantée par Pierrette Champoux, tirée de l'album Résurrection. On en parle un peu plus tard, on a aussi entendu des choses absolument extraordinaires. Le groupe Stonehenge faisait Gloomy Sunday. Alors, encore 4-5 années à pratiquer la musique, les amis. Et ça va être bon. Et on a également entendu l'hymne à l'amour, chanté par l'illustre interprète Monique Leroux-Bré. Une illustre inconnue, qu'on pourrait dire. On peut trouver sa chanson sur le site musiqueapproximative.net. Vraisemblablement, c'est un site qui contient une série de chants approximatifs. Alors, allez voir ça, je viens de découvrir ça. La chanson de Pierrette Champoux sur Marguerite Bourgeois était tirée d'un album intitulé Résurrection, Messe rythmée et Psaume Mambo, qui est un album de chants religieux, de chants de messe à gogo des années 60-70. Ça a été compilé par un blogueur, collectionneur de musique, qui a un blog qui s'appelle Patrimoine PQ. Son nom, c'est Sébastien Desrosiers. Et il a sorti ces chansons-là des Boulamites et il a fait éditer son disque. Il a trouvé une maison de d'édition qui s'appelle Mucho Gusto. Et il a ressorti ses albums religieux sous forme de CD et même de vinyle. Et ça donne quelque chose d'assez intéressant quand même. Ça a sorti le 23 octobre 2012, en vinyle, CD et format digital. Et c'est assez intéressant, curieux, impressionnant. Et apparemment que le lieu où était enregistrée la majeure partie des messes à gogo, c'était les studios RM de Cap-de-la-Madeleine. Et on y trouve des pièces sur cet album-là absolument extraordinaires. Coupe tes longs cheveux. Quoi d'autre? Saint est le Seigneur. Ah, une pièce qui s'appelle Pierre, tout simplement, qui raconte l'histoire de l'apôtre Pierre qui est un moteur et qui rejoint Jésus sur son bicycle à moteur. Alors, on a aussi la pièce de Jacques Michel qui s'appelle « Dieu ne se mange plus ». Et dans le refrain, ça dit « Dieu ne se mange plus, il se fume ». Alors, ça, c'était quand même assez rock'n'roll, même si c'était chrétien et très religieux. Ouais. Ça rockait. Ça y allait par là. Et c'était évidemment dans la lignée de Vatican II, où là, on a introduit... tu sais, avant, les messes étaient toutes en latin. Les prêtres étaient de dos. C'était un peu hermétique, hein? Alors, il y a eu comme à un moment donné un renouveau. Et ça a donné de la musique à gogo, des messes à gogo. Un peu de jazz, pourquoi pas, après avoir prié. Dansons. Vous êtes à l'antenne de Sequoia 88.3, c'est l'émission Le Cirque Aquatique Magique. You find to your sorrow, you ain't got a friend in town, so get the gold, get the gold, get that yellow mellow gold. Baby, we ain't getting mercenary, it's just as much as getting necessary. Half home's what I'm told, get the gold, get the gold, get the gold. Thank you. the gold, get the gold. That's the cry from day to day. Hey, boy, when you got that cash in your pocket, you never have to take your watch in pocket. Get the gold, get the gold. Then you gal won't treat you cold. A logo flying out the window, honey. Say, nobody loves you when you got no money. What can you tell your landlord when your rent day comes around? You can steal, beg, or borrow your fine to your sorrow. You ain't got a friend in town, so get the gold, get the gold. Yellow mellow, baby, we ain't getting mercenary. This that money's getting necessary. Tap holes, smile and toes. All you got to do, get out and get the gold. G-O-L-D. All you got to do is get the gold. Appliquer à la musique, cela veut dire que les paroles d'une chanson doivent édifier, donc être exactes doctrinalement. Ensuite, les paroles doivent être faciles à comprendre. Elles ont beau être édifiantes, si elles sont mises sur une musique difficile à écouter, elles ne profitent à personne. Donc, les questions à poser en ce qui touche la musique ne sont pas quels instruments sont permis et quels styles de musique sont admissibles. Il faut se demander si les paroles sont édifiantes et si le style de musique permet de les entendre facilement. Oceanburg had a gal way down in Tennessee. Now she told Lucian all about evolution, and she would sing down on his knee. Well, one fine day she got gay and started stepping out. Then old Lucian started a revolution. The neighbors all could hear him. He said, evolution mama, evolution mama, don't you make a monkey out of me. Well, evolution mama, don't you think you got me up a tree. Why, I remember the time you had me nice and tame. I was eating right out of your hand. Now some fine day I'm gonna take that aim and knock that peanut whistle right off your stand. Evolution mama, listen while I get you told. But what I'm gonna tell you is gonna make your blood run cold. Well, I ain't half man and I ain't half beast, but I can do you more good than this here store-bought yeast. Well, evolution mama, don't you make a monkey out of me. History the other day. Oh, I was at the Heidelberg Zoo, yeah. Heidelberg Zoo. Yeah, yeah. Tell me, did you find out anything you didn't know already? I thought I saw some friends. Could be relatives. You gotta watch out for those kind of friends. I know. Yeah. Evolution mama, sweet smelling mama, don't you make a monkey out of me. Well, evolution mama, don't you think you got me up a tree. Pretty slick tree. I do recall a time you had me nice and tame. I was eating right out of your hand. But one fine day I'm gonna take that aim and knock that peanut whistle right off your stand. Evolution mama, listen while I get you told. Come here, come here, come here. Now, what I got to tell you, bound to make you. jackknife, got me a gun. I'm gonna carve on you if you stand still. Shoot you if you run. Appaloosa mama, don't you make a monkey out of me. Je remercie le Seigneur parce que j'ai du plaisir dans tous les styles musicaux, sauf ceux qui ne collent pas aux paroles, qui ne servent pas à nous amener dans la louange et dans l'adoration. Et c'était l'émission Le Cirque Aquatique Magique. François G. Couillard vous lance sa révérence. Vous pourrez réécouter cette émission ainsi que toutes les autres. jeunefou.blogspot.com.